comme ça, c'est toujours pareil. Toujours pareil, tout le temps. Toujours pareil. Ah ouais, c'est toujours comme ça. Toujours. C'est toujours comme ça.